le sou, sous le sapin, grand-papa mou, dans le pétrin. Ma tante radote, comme une vraie sotte, cousin Pipin, fume son pot. Souvenir de Noël, d'un perroquet battu, souvenir de Noël, d'une voix qui mue. Petit Firmin, prend son Rital, gentil bambin, maintenant il est peint. Grand-maman Pou va nous galper, chez les Weight Watchers, on va se réveiller. Souvenir de Noël, d'un perroquet battu, souvenir de Noël, d'une voix qui mue.